qui possède l'instinct du bitume. Tête brûlée 5, néochrome, Farashnikov. Qui joue un rôle, qui tient vraiment la barque, qui pique sous un hall en baissant la patte, qui loue son appart, tiens avec les sous y'en a pas, qui prétend se refaire en cessant l'attaque, qui croque sa poire en 8, qui est prêt à se faire péter pour avoir aidé un or la loi en fuite, qui dort mal la nuit, qui encaisse les coups, qui se rend fou et qui porte sa foi en lui, qui pratique le vol de face, qui n'a pas les coups de tir et qui attend qu'un pote le fasse, qui possède la force de frappe, qui sait comment un porc se braque, fuck les portes, qui veut saigner de l'oreille, hein, qui veut sceller nos rêves et se faire enseigner nos règles, qui applaudit, qui encaisse, qui s'appauvrit, qui a fini par se faire baiser la gueule par Aphrodite, qui se tient au parfum comme Lanco, qui veut que ça fasse banco, qui se fait filoche place Vendôme, qui se tape des gamines à Bangkok, qui se prend pour un chevalier financé par le grand pop, qui a empoisonné un rafale, qui suce un val, qui a fini par mériter sa rafale, qui aime l'Afrique, qui la refoule, qui peut oublier cette blessure impossible à recoudre, qui fuck le world, qui se moque de l'ordre, qui pisse en remords, qui stocke de l'or, qui dort dehors, qui n'a pas de chez soi, qui se fait hack à chaque fois qu'il croise la patte le soir, qui se lève en contemplant le sourire à la mama, qui tape dans l'amalgame depuis l'Alabama, qui connaît le macadam et tous ses vagalames, qui est prêt à se faire péter en direct Ramallah, qui est Farashnikov, qui est Tarek, qui a cette foi qui ricoche en mode Zaref, qui se fout de les faire bouger comme pareil, qui dépend de sa cam, qui n'a pas son pareil, qui pratique le vol de face, qui n'a pas les coups de tir et qui attend qu'un pote le fasse, qui possède cette force de frappe, qui sait comment un porc se braque, fuck les portes, je craque. Farashnikov, néochrome, j'ai recraché mes douilles, ça fait. Farashnikov, néochrome, sur tête brûlée 5, ça fait. Qui crève les yeux de la jalousie, qui de 007, Ouled El Houma, qui est Abou Farage, qui est John Abrosi. Qui sont les frères Mesaga? Qui se cache derrière Néochrome? Qui? Farashnikov, Farashnikov 07, MC Kalashnik.